La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, existe-t-il un autre temps que le temps physique ? Il est des situations où il faut être honnête. Par exemple, lorsqu'il s'agit de reconnaître humblement que lorsque nous méditons sur le temps, nous ne savons jamais trop à quel type d'entité nous avons affaire. Le temps est-il une substance ? Est-il un fluide ? Un simple mot ? Une illusion ? Une production de la psyché ? Une construction sociale ? Voire carrément rien du tout. Cette incertitude a beau être criante, elle n'empêche pas qu'au sujet du temps, chacun d'entre nous se risque à dire son mot. Mais en général, assez vite, les esprits s'embrouillent. Un tel dit que le temps s'arrête quand plus rien ne change, tel autre qu'il continue de passer quand plus rien ne se passe, tel autre encore qu'il ne s'écoule que dans notre esprit, tels autres enfin qu'il stagne, qu'il manque, qu'il se perd, s'arrête ou s'accélère. Le temps n'a donc pas de vertu œcuménique. En parler n'équivaut jamais à le dire, encore moins à le saisir. Et pour cause, qui saurait déterminer, à partir d'un savoir parfaitement sûr, si le temps est ce qui accueille les événements ou si, au contraire, il en émane? Et qui pourrait se targuer d'avoir une connaissance assez complète et suffisamment certaine pour expliciter ce qu'indiquent vraiment les horloges lorsque nous disons qu'elles donnent l'heure? C'est peut-être à cause de cet embarras que nous parlons toujours du temps de façon imprécise et que nous l'évoquons comme s'il en existait de plusieurs sortes. Nous parlons par exemple d'un temps dit « vécu ». Cette expression « temps vécu » laisse entendre que le fait de vivre engendrerait un temps spécial, différent du temps physique. Il y aurait en somme le temps qu'indiquent nos montres et, ailleurs, en marge ou contre celui-ci, le temps tel que nous le vivons. Pareille distinction a-t-elle un sens? Si oui, lequel? Pour répondre à ces deux questions, j'ai le plaisir de recevoir en direct Daniel Sibony. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, psychanalyste et vous venez de publier un livre dont le titre semble répondre à la question posée, c'est « À la recherche de l'autre temps ». Il va être question essentiellement de votre livre pendant cette émission, mais j'ai tenu également à inviter Alain Cohn, qui est mathématicien. Bonjour Alain Cohn. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France et vous avez été lauréat de la médaille Fields en 1982. Certains de vos travaux portent sur cette question du temps et vous avez préfacé le livre de Daniel Sibony, ce qui m'a un peu étonné, parce que d'où vient qu'un mathématicien comme vous préface le livre d'un psychanalyste ? Alors, si vous voulez, l'origine de cette préface, c'est un dialogue que nous avons eu en 2019, le 28 mars 2019 en fait, avec Daniel Sibony. Et durant ce dialogue, si vous voulez, en fait, j'ai compris à quel point Daniel avait réfléchi à toutes ces idées autour du temps. Et en fait, on est rentré en résonance sur deux des préoccupations qui, moi, m'avaient occupé dans ce sujet-là. Et elles m'avaient occupé dans deux domaines très, très différents qui ont à voir avec le temps. Le premier, si vous voulez, c'est à l'occasion d'un séminaire chez Antoine Compagnon sur Proust en Collège de France. Au Collège de France. Qu'on peut voir en vidéo d'ailleurs. J'avais essayé de comprendre la signification, de la recherche du temps perdu de manière un peu plus, un peu plus imagée par rapport à la conception un petit peu bébête, si vous voulez, du temps que nous avons tous, qui est le temps linéaire qui s'écoule selon une droite. Et j'avais fait émerger une image mentale que je peux décrire très très simplement, qui est que c'est un petit peu, si vous voulez, ça a un sens mathématique qu'on appelle effeuillage, mais en fait ça a un sens visuel très simple, c'est la pelote de laine. Alors la pelote de laine, c'est quoi? C'est le fil qui s'enroule, mais quand il s'enroule comme ça, si vous voulez, il revient des fois tout près de l'endroit où il s'était enroulé longtemps avant. Et en fait, en s'enroulant, Il va former un espace de dimension plus grande que cette droite complètement rébarbative dans laquelle nous avons l'habitude de loger le temps. Et ce qui m'avait frappé dans des grands auteurs, dont Proust, mais aussi chez Alexandre Rotindyk, c'est que certains d'entre nous sont capables de se retirer du monde quand ils ont suffisamment vécu et de tisser cette pelote de laine de telle sorte que leur existence n'apparaît plus comme rivée à ce temps linéaire, mais apparaît comme un objet global. Et que, si vous voulez, la peur de la mort, qui est simplement le fait qu'on arrive au bout de ce temps linéaire, n'existe pratiquement plus parce que ces gens sont capables de créer un objet global dans lequel on peut se réfugier dans les pires moments de son existence. Et c'est la beauté de l'œuvre de Proust, ou la beauté de Grothendieck dans Récolte et Semaille, m'ont convaincu que cet ouvrage, si vous voulez, était une espèce de palliatif contre le passage du temps. Donc ça, c'était le premier aspect, c'est l'aspect humain. Et évidemment, en discutant avec Daniel, c'était évident qu'il avait réfléchi très profondément à cette question. Et le deuxième aspect est un aspect beaucoup plus physique. Et je me garderai bien de rentrer dans des équations. Mais par contre, pour l'évoquer, je ne résiste pas à la tentation qui est de rapprocher, si vous voulez, le temps, bien que l'étymologie soit différente, de la notion de température. Alors il y a un fait physique, mathématique, qui est absolument incroyable, qui est très simple à dire, qui est que, si vous voulez, en mathématiques ou en physique, on sait que les nombres, on doit utiliser non seulement les nombres réels, mais aussi ce qu'on appelle les nombres complexes. Les nombres complexes, ça consiste à faire passer, si vous voulez, à avoir la racine carrée de moins 1. Or, il se fait, ça c'est tout à fait extraordinaire, que quand on prend le temps et qu'on le rend imaginaire pur, eh bien on obtient l'inverse de la température. C'est-à-dire on obtient une formule qui est 1 sur kT, k c'est la constante de Boltzmann, et T c'est la température absolue. Et ce lien, ça a motivé en fait les travaux que j'ai fait dans ma thèse, ce lien sous-tend le fait que si vous voulez, le temps tel qu'on le connaît peut être généré par la thermodynamique, c'est-à-dire peut être généré par un état d'équilibre. Alors c'est relié au quantique et je pense qu'on y reviendra. Oui, vous étiez d'ailleurs venu en parler à la conversation scientifique. Vous aviez expliqué que le moteur du temps, enfin ce qu'on appelle le moteur du temps, c'est-à-dire le fait qu'il y a une dynamique dans le temps, que le fait que ça avance, vous aviez expliqué que ça pourrait être enclenché par la non-commutativité inhérente au formalisme de la physique quantique. Et d'ailleurs, si je me permets de vous citer, Alain Cohn, vous aviez dit que c'est l'effervescence quantique qui engendre le passage du temps. Et puis, dans livre célèbre, vous avez également écrit l'aléa quantique et le tic-tac. L'aléa du quantique. L'aléa quantique et le tic-tac de l'horloge divine. Ou bien encore, un état sur une algèbre non-commutative engendre son propre temps. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, ça, c'est ce qui a fait, dans mes premiers travaux. C'était grâce, bien sûr, à un tas de gens qui avaient travaillé avant là-dessus. Mais disons que ce qui m'avait absolument sidéré, c'était le fait qu'on arrivait, justement, à partir du principe d'incertitude de Heisenberg, c'est-à-dire la non-commutativité, la non-reproductibilité des expériences quantiques, cette espèce d'aléa absolument intrinsèque au quantique que personne n'a réussi à élucider, et cet aléa qui échappe aux lois de la physique, au sens où cet aléa, si vous voulez, ne répond plus à une équation du type Schrödinger avec un d sur dt égale quelque chose. C'est quelque chose d'entièrement nouveau que les physiciens appellent la réduction du paquet d'ondes, mais qui n'obéit pas à une équation de la physique. Et cet aléa, si vous voulez, j'ai graduellement compris, de manière d'abord intuitive, et puis en y réfléchissant de plus en plus, que, en fait, on pouvait très bien se poser le dilemme suivant, qui est que nous, êtres humains, toute variabilité au passage du temps. C'est-à-dire, nous confondons le temps et les changements, finalement. Nous confondons la variabilité avec le passage du temps. Ça remonte à très, très, très loin, à Galilée, Newton, etc. C'est très, très, très évident dans Newton quand il parle de variabilité. Et quand on réfléchit mathématiquement à la notion de variable, on s'aperçoit qu'on est conduit presque directement au formalisme du quantique et qu'on est conduit au non-commutatif et que ce non-commutatif répond, il dit, mais il y a un temps, écoutez-le, il y a un temps qui vient du non-commutatif. Donc, en fait, ma conclusion, si vous voulez, c'est que il y aura une étape dans l'évolution de la civilisation, de la compréhension de l'univers. Et cette étape sera le moment où, au lieu de tout décrire en fonction du passage du temps, nous aurons compris qu'il y a une variabilité plus profonde, plus intrinsèque que le passage du temps, d'où le temps émerge, mais qui est justement cette variabilité, cet aléa du quantique dont on disait dans le livre avec Danny Chéreau et Jacques Dixmier, qu'il était, si vous voulez, l'horloge divine, c'est-à-dire qu'il engendrait le temps. Voilà. Donc si je peux vous résumer, Alain Cohn, est-ce que je le fais bien en disant que pour vous, le temps n'est qu'une réalité secondaire qui surnage sur des structures physiques plus profondes que lui et qui ne le contiennent pas à toute petite échelle? Exactement, c'est-à-dire ce sont des structures émergentes et l'une des questions les plus difficiles dans cet ordre-là, c'est de comprendre que ce qu'on appelle l'intrication quantique dit que cet aléa du quantique n'est pas totalement aléatoire, mais qu'en fait il a des relations globales que nous ne savons pas encore percevoir, mais qui en font quelque chose de beaucoup plus organisé. C'est un aléa beaucoup plus connecté, interconnecté, etc., par l'intrication quantique, que nous n'en avons une idée naïve, si vous voulez. Voilà, donc c'est une question très, très difficile, bien entendu. Daniel Cibony, qu'est-ce qui, dans votre cheminement autour de la question du temps, résonne avec ces travaux d'Alain Cohn? De quoi discutez-vous lorsque vous vous rencontrez? Eh bien, justement, on a discuté exactement de ces choses-là. Et les résonances qu'il a relevées m'ont marqué. C'est que, d'abord, je prends l'exemple de Proust. Ce qui m'a frappé dans la démarche de Proust, c'est qu'il part à la recherche du temps perdu, dit-il. Et voilà qu'à mesure qu'il avance, il récupère ce temps par feuilletage exactement. Il le récupère sur 2000 feuilles, sans jeu de mots, un gros gâteau, et qu'à la fin, il se retrouve avec un objet qui est son livre et qui est exactement le temps perdu et retrouvé. Son temps perdu et sa façon de le retrouver. Autrement dit, il a, pour ainsi dire, et en plus, il offre cette feinte à la fin, il dit « Bon, maintenant, il est temps que j'écrive le livre ». Il le dit au moment où le livre est fini. Et ce qui indique bien qu'il partait à la recherche de son autre temps, qui n'est pas l'actuel dans lequel il vivait, et à mesure qu'il avançait, on aurait cru qu'il cherchait quelque chose d'autre, etc. Et finalement, l'objet trouvé et retrouvé, c'est la recherche elle-même, et d'ailleurs, ça emporte le titre. Ça, donc ce livre, La recherche du temps perdu, pour vous, c'est ce que vous appelez un objet-temps. Tout à fait, un objet porteur de temps et qui incarne le fait qu'il est saturé par l'autre temps, puisqu'il cherche toujours, lui, cet autre temps, et il ne nous dit pas « voilà, je viens de le trouver », jamais. Il continue à le chercher et c'est l'empilement de ces feuillets qui donne l'objet, qui est un objet parfait, en plus un chef-d'œuvre par l'écriture. Et ce qu'il y a de merveilleux dans sa démarche, c'est que, et quand on le lit alors au degré zéro, c'est-à-dire qu'on voit la complication incroyable et artificielle de toutes ces histoires de cœur, par exemple, et comment pour lui la jalousie et l'amour c'est la même chose, enfin des trucs assez énormes, comment il tourne autour de son symptôme et qu'il le dissout dans l'écriture. Et ça m'importe beaucoup, parce que quelque part dans le livre, je parle du temps figé, du symptôme. On a tous des symptômes plus ou moins graves. Lui, son symptôme est assez grave. Mais Kafka aussi avait un symptôme obsessionnel assez grave. Mais ils l'ont superbement bien dissous dans la quête de l'autre temps dans lequel ça pourrait être vivable. Et cet autre temps, c'est celui de cette inscription. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'autre chose qui est la variabilité quantique, figurez-vous que c'est surtout sur ce point-là qu'on s'est retrouvé d'une façon d'ailleurs un peu proustienne pour moi, parce que, et Alain m'a, enfin j'étais au courant de l'aléa du quantique, etc., et des recherches d'Alain, mais un jour, en parlant comme ça, il m'est apparu très clairement que ce qu'il faisait avec sa situation quantique, dont il dégageait ce groupe à un paramètre, c'est-à-dire une temporalité, qui montre que l'algèbre de ces états tourne, eh bien, ce qu'il fait, c'est produire un temps intrinsèque à la situation. Or, moi, ce qui m'a toujours obsédé, préoccupé, c'est, d'accord, on a le temps des horloges, on a le temps, la variabilité qui court sur la droite, ok, mais chaque situation devrait avoir une temporalité intrinsèque qu'on devrait pouvoir dégager. Et lui le fait. Or, moi, dans une moindre mesure, du temps où je faisais des maths, c'est exactement ça qui m'avait préoccupé. C'est comment, en partant d'un ensemble de fonctions, ça s'appelait un cône de fonctions, quelles propriétés intrinsèques faut-il lui imposer pour qu'on puisse en dégager, en l'occurrence, des semi-groupes qui donneront lieu à des processus de probabilité, des processus markoviens, etc., qui répondent à des solutions d'équations elliptiques, peu importe, mais quelles conditions intrinsèques on peut lui mettre pour en dégager du temps. Et c'est ce que j'avais fait, j'avais travaillé là-dedans avec d'autres. Justement, Daniel Simoni, je vous avais reçu à cette même émission en juin 2018, je m'en souviens très bien, et c'était le même sujet, la question du temps. Or, vous nous avez dit que la rencontre avec Alain Cohn s'est faite en 2019, à l'occasion de ce séminaire sur Proust. Qu'est-ce qui a mûri en vous entre 2018, date à laquelle je vous avais reçu, et aujourd'hui, à propos de la question du temps? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui que vous ne disiez pas à l'époque? Oui, alors je vous signale que je n'ai pas assisté à ce séminaire sur Proust et que nos discussions n'ont pas eu lieu seulement en 2019. On s'est vu avant et j'ai retrouvé des notes, Alain n'en sera pas surpris, des notes de nos discussions sur le temps avec un physicien qui s'appelait Martin, et il y a 10, 15 ans, 20 ans, et qui m'ont étonné. Donc, on a un petit contact ponctuel sur le temps. Et je vais vous dire ce qui a fonctionné depuis que vous m'avez invité. Je dirais d'abord que c'est la frustration, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je les ai d'ailleurs transcrites et mises au début du bouquin, vous l'avez remarqué, en oui. signalant que c'était notre dialogue. Et je vous en remercie, évidemment, parce que du coup, vous êtes pour quelque chose dans ce livre, et même pour beaucoup, puisque ça m'a poussé à mettre davantage au clair les différentes notions. Et ça a été ponctué par des rencontres avec Alain, de sorte que j'étais pas parti pour faire un livre, et le livre s'est imposé comme finalement l'objet de cette recherche et son aboutissement. Donc c'était assez merveilleux, sachant que par ailleurs j'avais d'autres cordes qui fonctionnaient, la corde psychanalytique, on en reparlera peut-être tout à l'heure, celle des symptômes, du traitement. Oui, c'est un livre assez clair. Il y a beaucoup d'aspects de la question du temps qui sont abordés. Mais parfois, il y a des petites phrases que vous distillez qui sont énigmatiques, Daniel Simoni. Alors, par exemple, vous dites... Allons-y. Allez, vous dites, il y a du temps parce qu'il n'y a pas tout. Et je suis pas sûr d'avoir bien compris cette phrase. Et je me suis demandé si elle faisait écho à une autre phrase dite par un grand physicien spécialiste de relativité générale qui s'appelle John Archibald Wheeler, qui disait « Le temps est le meilleur moyen qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup ». Est-ce que ça rejoint votre propre définition? Tout à fait, tout à fait. Et bon, alors j'avais bien compris. Je veux dire, bien sûr, et c'est pas Alain qui nous contredira, parce que il a souvent dit dans d'autres contextes que s'il y a le passage du temps, c'est parce qu'on ne sait pas tout. Alors, n'est-ce pas Alain ? Alain va commenter. Oui, tout à fait. Je vais commenter, c'est très intéressant. Voilà, en fait, ce qui se produit, c'est la chose suivante, c'est que la mécanique quantique donc a été découverte principalement par, au niveau mathématique par Heisenberg et Dirac. Bien sûr, après un tas de révolutions, celle de Planck, d'Einstein, etc. Mais au niveau mathématique, elle a été formalisée par von Neumann. Et après l'avoir formalisée, von Neumann s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait qualifier un sous-système, c'est-à-dire un système dans lequel on ne sait pas tout. Or, ce sont précisément ces algèbres pour lesquelles j'ai démontré qu'elles avaient une évolution canonique dans le temps. Donc, ça permet de donner un sens mathématique très précis à la discussion. Ce que cela dit simplement, c'est que quand on est dans une situation quantique dans laquelle on ne sait pas tout, il y a un temps propre qui correspond. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est en pensant à tout, c'était à ce questionnement sur les algèbres, mais en même temps, et l'analyste que je suis peut vraiment authentifier au fil de sa pratique le fait que s'il y a du temps, mais je vais m'expliquer sur ce que j'entends par temps, parce que il faut quand même un Mais attendez, avant de le faire, Daniel Simoni, parce que dans votre livre, il y a ce dialogue que vous instaurez entre justement des résultats de physique, presque de physique théorique ou de mathématiques, et puis votre expérience du temps, par exemple, vous racontez ce que vous avez ressenti à la naissance de votre premier enfant, vous y avez assisté, et vous dites que ça a été pour vous un choc de temps. Un choc de temps qui a créé ce que vous appelez un bloc de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Tout à fait, tout à fait. Et je vous dirais que c'est peut-être en résonance avec nos démêlés actuels avec le temps, car n'oublions pas, nous discutons tranquillement, mais nous émergeons à peine d'une période où notre temps a été dévasté, notre rapport au temps. Je m'explique. Et je reviens d'abord à la naissance, ce que j'ai ressenti, sans pouvoir me l'expliquer, me le formuler, c'est que cet objet qui jaillissait d'un corps, d'un ventre, était lui-même une temporalité nouvelle qui s'est lancée. Ce n'était pas, bien sûr, il baignait comme nous tous dans le temps banal, le temps de la droite, des montres, etc., mais qu'il apportait une temporalité nouvelle, et c'est de là que m'est venue à cette époque, ça fait 40 ans en passé, l'idée de l'objet temps, c'est-à-dire de l'objet porteur de temps. Alors pourquoi je dis que c'est très lié à ce que nous avons vécu? Parce que d'abord c'est du corps, et il me semble que notre temps, pendant cette période de pandémie, a été grillé, si je puis dire, sans jeu de mots, a été grillé par l'absence de corps, c'est-à-dire par l'absence de quelque chose qui, pour moi, est le geste élémentaire de la prise de temps, de prendre le temps. Je dis que dans le livre que la prise de temps, elle se fait en deux termes, c'est un événement à partir duquel on compte, c'est-à-dire non pas seulement 1, 2, 3, mais on compte, on essaye de compter soi-même, de compter pour d'autres, et de faire quelque chose qui compte. Et là, nous avons été privés d'événements, je dis pas que des gens nous en ont privés, hein, c'est la situation, j'incrimine personne, peut-être la société, mais ça on y reviendra. Mais quand vous dites d'un enfant qui naît... Vous dites d'un enfant qui advient qu'il est un objet porteur de temps, pourquoi ne dites-vous pas simplement qu'il est porteur d'une nouvelle temporalité? Il n'invente pas un temps séparé du temps ordinaire. Il introduit de nouvelles histoires dans le cours du temps, mais sans que cela crée un temps autonome par rapport au temps physique. Alors qu'on s'entende, Étienne, je ne prétends pas du tout qu'il y ait différents temps. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que cet enfant qui jaillit, il ne crée pas du temps complètement hétérogène au temps ordinaire. Il crée un rapport au temps qui fait que lui, comme objet, c'est une accumulation temporelle compactée. Et c'est entré pour moi en résonance avec une phrase d'Héraclite que j'aime beaucoup qui est « Le temps est un enfant qui joue ». Au tric-trac. Oui, qui joue à déplacer les pièces de son jeu, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il permute, c'est pas une permutation de pièces de son jeu. Il est lui-même, c'est lui, le temps qui se permute, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce sont les opérations, les gestes qui peuvent se produire et qui enrichissent le temps linéaire dans lequel nous nous trouvons et qui font qu'on vit plusieurs strates de temporalité. Si j'écoute un patient, et bien sûr qu'il y a le temps de la montre, le temps de la séance qui est le même, etc. C'est le temps linéaire. Mais je l'écoute et je sens que nous sommes dans une autre temporalité. Nous sommes dans une autre époque et je ne sais pas laquelle. Et si j'arrive à trouver laquelle avec lui, on peut tirer les fils de cette époque un peu pétrifiée dans son récit, dans son symptôme, et faire advenir ce sujet à une nouvelle ouverture sur le temps. Alors vous avez cité, Daniel Sibonier, un fragment d'Héraclite, vous en citez un deuxième dans le livre, « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », et vous rappelez l'anagramme qui a été trouvé de ce fragment par Jacques Périssalkov, qui est « La vague sans fin modifiée emmène nos jeux de sable ». Comment est-ce que vous l'entendez, cette phrase, même l'anagramme qui lui est associé, est-ce qu'elle résonne avec votre propos d'aujourd'hui? Répétez-la moi. La vague sans fin modifiée emmène nos jeux de sable, qui est l'anagramme de on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et que Sylvain Tesson avait retravaillé en disant on ne se baigne jamais deux fois de la même façon dans un fragment de Héraclite. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que le fleuve change et notre rapport au fleuve change. C'est exactement ça. Et il y a nos jeux de sable qui sont emportés par la vague sans cesse renouvelée. Je pense que c'est presque troublant que l'anagramme dise à ce point la même chose. Mais pour revenir donc à l'idée, moi, qui me travaille le plus et que j'ai appelée la prise de temps, ça me travaille parce que ce qui me paraît le plus problématique dans le temps tel que commun, tel que nous le vivons tous, c'est comment, en général, nous ne savons pas prendre le temps, nous ne savons pas par quelle boule prendre. Et justement, dans cette pandémie, j'avais l'image que le temps était comme un mur vertical qu'on devait grimper et qu'on n'avait aucune prise. C'est une métaphore qui peut vous parler, vous qui êtes montagnard. Et donc, voilà, ça ne prend pas. Et les jours passent à une grande vitesse. On peut toujours les remplir. Moi, j'ai une proche qui s'est mise à la recherche du temps perdu et ça lui a occupé un peu de temps. Mais là, on ne peut pas prendre le temps parce qu'on n'a pas le corps des autres, parce qu'on n'a pas la rencontre avec les autres, parce qu'on n'a pas l'événement. Même l'événement mince, dérisoire de pouvoir... souvenez-vous, on ne pouvait même pas aller se promener au Luxembourg. Rien que se promener et être entouré de foule, cet événement qui nous fait respirer le corps des autres et la temporalité que les autres sont en train de consommer, chacun à sa façon. Cet événement, on en a été privé, de sorte que ça nous a beaucoup appauvri le temps. Et ça, c'est en rapport avec le geste qui, pour moi, est fondamental, qui est, et ça veut dire quoi ? Prendre le temps. Ça veut dire, oui ? Non, je voulais poser la question à Alain Cohn. Est-ce que pour un mathématicien, Alain Cohn, la question du temps n'est pas épuisé par le fait que le temps a été mathématisé par les physiciens depuis Newton, avec ensuite Einstein qui a remanié la façon de comprendre les liens entre l'espace et le temps, mais on pourrait se dire finalement on a cette variable T, est-ce que ça ne suffit pas à résoudre finalement la question du temps en physique ? Pourquoi est-ce qu'il absolument faut tenter pas. De... Non, bah alors, je vais expliquer. Absolument pas. En gros, ce qu'il faut arriver à avoir comme image mentale, c'est que la relativité générale, en présentant l'espace-temps, nous donne une manière, une feuille blanche pour écrire le passé et le futur potentiel. Et un des besoins humains les plus évidents, c'est le besoin d'écrire une histoire. Alors Daniel explique dans son livre, je veux dire, on en avait pas mal discuté, bien sûr, et on en a parlé aussi dans le livre avec Danny Chéreau et Jacques Dixmier, que le passé bouge encore. C'est-à-dire qu'il est illusoire de croire que le passé a été écrit une fois pour toutes, et il y a une expérience de pensée de John Wheeler, retardé. On parlait tout à l'heure, du choix retardé, qui montre bien que c'est complètement illusoire, et qu'en fait, l'âme humaine, enfin l'esprit humain, a besoin d'écrire une histoire, mais cette histoire s'écrit dans l'espace-temps, bien sûr, mais que à cause du quantique, c'est une illusion. Pourquoi ? Parce que précisément cette vision du monde, qui est une vision, historique, on pourrait dire, est incompatible avec la mécanique quantique. Et c'est cette incompatibilité avec la mécanique quantique qui fait que le problème est loin, très très loin d'être épuisé. Et qu'en fait, justement, c'est cette réflexion fondamentale sur la variabilité qui est sans doute l'une des clés qui nous permettra d'ouvrir cette porte qui est bien fermée encore, malgré toutes sortes de tentatives et toutes sortes de fausses joies. Donc en fait, si vous voulez, ce qui se produit, c'est que à cause de ce problème-là, de l'incompatibilité du quantique avec la formulation de la gravité par Einstein, on sait très bien que l'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore un modèle qui rendra compte de ce qu'est la réalité extérieure. Donc, et le problème, il est sans doute beaucoup plus philosophique que technique au sens suivant, c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est que arriver à faire un tel retour sur les fondements de la physique pour en arriver à ne plus écrire des équations du type défi sur dt égale quelque chose, c'est-à-dire la variabilité paramétrée par le temps, c'est quelque chose qui est considérable comme difficulté. Mais quand ce sera fait, ça répondra parfaitement à la question justement de l'intrication dans le quantique et de ce que Einstein appelait « spooky action at a distance ». Alors qu'est-ce que c'est ça ? Ben, c'est le fait que, si vous voulez, lorsque vous avez des états intriqués, il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se produit. C'est que bien qu'ils soient, comme on dit, séparés, space-like séparés, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir de transmission de causalité de l'un à l'autre, eh bien, ce qui se produit, et ça, Alain Aspect a montré que ça se produisait avec une vitesse qui est 10 000 fois plus rapide que celle de la lumière. Au moins 10 000 fois plus vite que celle de la lumière. Il y a une interférence, il y a quelque chose qui se produit. Lorsqu'on fait une expérience sur A, eh bien, immédiatement, le résultat sur B est corrélé. C'est une corrélation. C'est pas une, bien sûr, ça ne contredit pas, si vous voulez, la causalité. Mais c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible avec notre historique en termes d'espace-temps. Pourquoi ? Parce que on peut très bien dire que c'est A qui a influé sur B ou que c'est B qui a influé sur A, puisque l'un et l'autre ne sont pas reliés causalement. Et alors ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est inexplicable dans notre écriture sur la page blanche donnée par la relativité générale. Alors cette émission n'est pas tout à fait une page blanche. On a une certaine maîtrise du temps qui vient. Oui. Et voilà. On sait qu'on va passer un morceau de musique qui a été choisi. Absolument. Alors je sais pas s'il a été choisi par Alain Cohn ou par Daniel Siboni. Non, c'est Daniel. C'est Daniel Siboni qui a choisi la chaconne de Jean-Sébastien Bach. Et nous allons l'écouter interprété par Augustin Adlisch. France Culture, la conversation scientifique. Étienne Klein. Voilà, nous venons d'entendre la chaconne de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Augustin Adlisch. C'est un choix de Daniel Siboni qui va nous en donner sans doute la raison. Daniel Siboni. Oui, à partir de mon idée que tout en respectant cette merveilleuse variable T qui se promène sur la droite, à chaque instant T, il y a en réalité des grands espaces que j'appelle des faisceaux de fibres qui y sont associés. Et je trouve que cette musique, elle illustre parfaitement ça, c'est-à-dire que quand l'archer passe d'une fibre à l'autre ou s'attarde sur deux ou trois cordes, ça fait communiquer les fibres, ça entremêle plusieurs mélodies, qu'il s'ensuit une ritournelle non seulement qui revient autrement, mais qui utilise la rémanence sonore et l'anticipation, l'intrication des fibres, et c'est ce qui nous émeut par une densité et par le fait que quelque part, à certains moments, ça semble inverser l'ordre du temps. C'est bien sûr pas le temps qui est inversé, mais notre perception, tellement ce qui est anticipé est repris d'une certaine façon par ce qui est suivi et par l'effet d'après-coup. Ça rejoint exactement l'image de la pelote de laine dont parlait tout à l'heure Alain Cohn, voilà, si j'ai bien compris. Voilà. Voilà, et ça rejoint cette manière qu'a le présent de questionner le passé, de faire vivre le passé en le questionnant. C'est ça l'après-coup. L'après-coup, c'est qu'un événement vous arrive, alors admettons une note ou une histoire, là, vous trébuchez sur quelque chose, et ça éveille tellement, ça éveille des événements passés qui, dans le passé, n'ont pas beaucoup compté, qui sont passés de façon anodine et qui se révèlent avoir été importants, peut-être même traumatiques. C'est ça l'après-coup. C'est-à-dire que l'après-coup est un opérateur qui fait tourner le présent et le passé dans une sorte de tourbillon au fil de nos questionnements, de nos sollicitations. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est l'outil majeur dans le travail de la psychothérapie et de la psychanalyse, parce que on a affaire à des symptômes ou à des modes d'existence absolument énigmatiques. Et c'est en essayant de tirer les fils, je dis moi tirer les fibres qui sont attachées à ces instants-là, qu'on fait revivre un passé au-delà de ce que dit Freud, qui lui parle des traces mnésiques qui restent. C'est beaucoup plus que des traces qui restent. C'est tout un espace qui attend que le temps intrinsèque qu'il comporte soit vécu. Et c'est là qu'on vit ce que j'appelle une superposition des temporalités. Et c'est pour ça que je peux parler de temps vécu, non pas au sens d'un temps séparé, mais au sens où la manière de le vivre se superpose à la manière de l'avoir vécu, parce qu'ils sont indexés du même paramètre, qui fait que le sujet est pris dans cet entretemps, entre ces deux temps, et que seule l'interprétation peut le dégager. D'ailleurs, vous donnez un exemple, enfin plusieurs exemples dans votre livre, Daniel Simoni, il y en a un qui m'a particulièrement frappé. Je vous cite, une femme me consulte un jour avec entre autres ce symptôme, elle avait 38 de fièvre tout le temps. Il m'échappe, bon, vous n'avez pas 39, et elle enchaîne, peu avant 39, ma mère a livré mon père aux nazis. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que vous avez compris lorsqu'elle a associé la température de son corps, 38, à la date 1938-39, où il s'est passé pour elle un événement traumatique? Un événement, on peut dire, brûlant, qui est resté, je dirais, comme une pierre chaude dans son corps, et qui l'a maintenu à une température pas normale, puisque elle s'en plaignait. Mais pourquoi vous n'avez pas chaud. Pourquoi vous lui avez dit vous n'avez pas 39? D'où est venue cette phrase? Ça a dû m'angoisser. Vous savez, des fois, on dit des choses qui nous échappent, et l'important, c'est de ne pas les renier, mais au contraire de les assumer. Et apparemment, c'est elle qui a assumé ma remarque, qui m'a échappé, j'étais pas du tout branché histoire. C'était comme pour dire, ça va, c'est pas grave, vous n'avez pas 39. Et là, c'est aussi la beauté du malentendu, la beauté de l'équivoque. Vous parlez d'une chose, l'autre entend une autre, et le temps et le rapport au temps va se charger de faire la corrélation. C'est comme ça. Ça s'appelle, en d'autres termes, l'inconscient. Elle avait gardé dans son inconscient une date absolument figée, non parlée, non historique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fil, c'était un objet de temps, voilà. Sa fièvre, j'ai dit une pierre chaude, c'était un objet de temps déposé en elle, figé en elle, elle figée là-dessus, et en tirant le fil, on a pu le remettre dans une histoire. Donc ce 38... Ce 38, c'était traumatique. Voilà, c'est un 38 qui manifestait par cette température le fait qu'elle ne pouvait pas passer à 1939, finalement. Il y a quelque chose qui a bloqué. Alain Cohn, je voulais vous faire réagir à une phrase que j'ai trouvée. Bon, parce que Daniel Simoni, dans son livre, dit quelque part « La physique ne donne qu'une faible idée du présent. Le présent, c'est un instant comme les autres. En physique, il est banal. C'est un instant du temps analogue à tous les autres. Et dans son autobiographie intellectuelle, le philosophe Rudolf Carnap, qui avait rendu visite à Einstein, écrit ceci. Un jour, Einstein me dit que le problème du présent le tracassait sérieusement. Il m'expliqua que l'expérience du présent a pour l'homme une signification spéciale qui la différencie radicalement de celle du passé et du futur, mais que cette différence ne peut pas être mise en évidence au sein de la physique. Que cette expérience ne puisse être prise en charge par la science lui semblait aussi navrante qu'inévitable. Aussi navrant qu'inévitable. Est-ce que vous partagez ce jugement? Est-ce que il demeure vrai que l'instant présent a un statut dont la physique persiste à avoir du mal à rendre compte? Disons que non, je pense que les mathématiques ont le langage nécessaire pour en parler. Ça ne veut pas dire que, si vous voulez, ça a une signification physique profonde. Mais en fait, ça rejoint exactement beaucoup de questions qu'on a évoquées hein, au sens suivant. Ce qu'il faut arriver à comprendre, justement, c'est que si on conçoit l'instant présent comme un point de la droite, alors là, on est complètement à côté. Daniel a très bien expliqué que pour lui, il n'y avait pas un point de la droite, mais il y avait une fibration au-dessus. Je prendrai une autre image. Je pense qu'il y a une manière d'aborder cette question qui est, en gros, si vous voulez, en mathématiques, on a compris, bien sûr, que pour comprendre un objet comme le temps, eh bien, en fait, on pouvait se placer localement. C'est-à-dire, ce n'est pas l'instant présent, mais c'est tout ce qui est très proche, aussi proche que l'on veut de l'instant présent. Ce n'est pas pareil que de parler d'un point, c'est parler des petits voisinages de ce point. Et lorsque on fait cet effort, eh bien à ce moment-là, on s'aperçoit que ce qui va être sous-jacent, selon mon point de vue, c'est la thermodynamique. C'est-à-dire que ce qui va être, en gros, ce qui va se passer va essentiellement dépendre du paramètre dont j'avais expliqué que c'était l'inverse du temps complexe, c'est-à-dire d'une température. Et c'est cette température qui va spécifier l'écoulement du temps localement, comme ça. Voilà. Alors ça, c'est par rapport au temps de la physique. Par rapport au temps individuel, c'est aussi quelque chose de très très intéressant, puisque nous, lorsque nous vivons, nous expérimentons le passage du temps. C'est totalement différent de la physique. C'est quelque chose qui demande à être analysé, à être compris. Beaucoup de gens ont réfléchi à ça. Et une des questions, moi, qui m'avait fasciné, j'en avais discuté avec un physicien, qui est Polyakov, qui est assez connu. J'avais eu, à un moment donné, une idée un peu baroque, qui était que, si vous voulez, lorsque nous dormons, notre temps passe en sens inverse. Et que le fait que notre temps passe en sens inverse fait que le sommeil est nécessaire pour équilibrer l'intégrale, si vous voulez. C'est-à-dire que le temps, il va dans une certaine direction, notre temps personnel, bien sûr, lorsque nous sommes éveillés. Et lorsque nous dormons, eh ben, on refait en sens inverse le chemin et on essaie de rétablir l'équilibre. Pour remettre les pendules à l'heure. Voilà, on remet un peu les pendules à l'heure chez nous. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que j'avais observé que lorsqu'on dort et que à un moment donné, on n'est pas du tout choqué par des contradictions logiques. Une chaise peut devenir un espace de Hilbert ou des choses comme ça. Ça nous pas pour tout le monde, hein, je crois. Non, peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, il y avait une chose qui m'avait énormément frappé. C'est que dès que ça nous choque et qu'on commence à réfléchir, on se réveille. Alors ça m'avait énormément frappé parce que je m'étais dit que finalement, c'était probablement le fait que le sens dans lequel notre temps personnel s'écoule est probablement relié à notre perception logique des choses. Vous êtes d'accord avec cette intuition qui n'a pas été démontrée, à ce que je sais en tout cas, Daniel Siboni? Parce que vous écrivez quelque part dans votre livre, vous écrivez « La physique nous dit que le temps passe parce qu'on est dans un bain thermique, le passage du temps étant marqué par la perte de chaleur depuis le Big Bang ». Oui, ça c'est exactement ce qu'on explique dans le livre avec. Mais pourtant, il n'y a pas de physique pour laquelle on explique le moteur du temps, la motricité, ou disons l'irréversibilité du temps par le fait qu'il y a croissance de l'entropie. C'est l'entropie qui croît au cours du temps dans un temps qui a lui-même sa propre irréversibilité. Moi, je voudrais revenir sur la question du présent. Quand vous dites l'instant présent, c'est déjà beaucoup. Bien sûr, si on pense à un point, c'est l'instant. Et on pourrait mathématiquement le prendre, cet instant, comme un point de certains espaces, ou alors ça serait de certaines catégories, ou alors ça serait un espace très gros. Parce que le présent, ce n'est pas tout à fait un instant. C'est quelque chose de très paradoxal. Il a une stabilité que n'ont pas les autres temps et qu'il tient de notre présence. À la limite, c'est notre présence qui maintient une certaine stabilité du présent en attendant qu'un événement arrive, d'où qu'il vienne, qui interrompe cette stabilité, qui la casse, moyennant quoi il y aura un avant et un après. Mais le présent lui-même est quelque chose de stupéfiant qui indiquerait que notre rapport au temps n'est pas toujours un rapport au futur, au présent ou au passé. C'est un rapport au temps possible, à la possibilité que émerge une temporalité. Et c'est là que mon accord avec Alain était m'a beaucoup marqué parce que ça rejoint une définition que moi je donnais de l'être. Je dis que l'être, c'est l'infini des possibles. Et un jour, j'avais dit ça à Alain pendant qu'il me parlait de l'expérience de physique où on envoie un photon à travers un trou, etc., et où ce n'est pas répétable. Et je dis, mais alors c'est l'infini des possibles. Et on a éclaté de rire tous les deux parce que, en réalité, notre rapport au temps, bien sûr, il est modulé par le fait que le soir, c'est après le matin du même jour, etc., par des relations d'ordre triviales. Mais ce qui compte beaucoup, c'est la possibilité d'entrer dans quelque chose qui serait mon temps, qui serait son temps. Et je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Je pense à un patient là, qui un jour m'a dit « Oui, vous savez, moi, j'ai pas d'histoire, je ne connais ni le commencement, ni le passé, ni la fin. » Je dis « Tiens, c'est étrange. » Quelqu'un qui, d'emblée, dit « Voilà, je suis hors temps. » Bien sûr, il travaille, il fonctionne, il est pris par le temps, il est dans les grillages du temps que son employeur impose parce que quand même la relation au temps, elle va très loin socialement dans cette chose extraordinaire qui a dû traumatiser Marx, c'est que les plus forts disposent du temps des plus faibles, en tout cas de ceux qui dépendent d'eux. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, il était bien dans le temps normal, mais il témoignait que il était hors histoire. Et c'est en creusant assez rapidement avec lui son espace familial, ses relations, etc., que j'ai vu qu'il attendait du père, que le père donne quelque chose qui ne soit pas simplement une parole anodine, mais quelque chose qui implique son corps. Et on revient à ce que je disais au début avec le corps de l'enfant qui jaillit ou avec le corps des autres dont nous avons été privés dans cette pandémie par la privation de rencontres, c'est que ce qui ouvre la clé du temps, ce qui donne le commencement, parce que pour entrer dans le temps, il faut un commencement, un événement qui fasse commencement. Eh bien, pour avoir cette clé-là, il faut certains symboles qui, curieusement, comportent du corps. Il avait besoin d'une parole affective de son père que son père n'a jamais pu donner. D'autres ont la même inhibition. Je connais des écrivains qui n'arrivent pas, qui ont l'inhibition du commencement. Ils seraient prêts à écrire des pages et des pages, mais ils n'arrivent pas à commencer. Parce que l'événement qui s'appellerait, qui serait le fait qu'il s'autorise à écrire cette page ou cette histoire, cet événement, il n'arrive pas, c'est un acte qu'il n'arrive pas à faire. Alors vous avez dit, Daniel Siboni, que le, que le corps est ce que vous appelez un objet-temps. Et qu'est-ce que dit, par exemple, cet objet-temps lorsqu'il subit ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out? Qu'est-ce que ça dit de son histoire ou de sa non-histoire? Eh bien, justement, et je dis, le corps est un objet-temps, et c'est le plus bel objet porteur de temps, et de temps multiples. Parce que, bien sûr, il y a le temps, voilà, dans lequel on baigne, mais la manière dont votre foi a de compter les rythmes, c'est pas la même que la manière dont votre cœur et que votre peur a que votre cœur a de compter les rythmes, vos poumons, etc., vos organes, vos tripes. Donc, on est multi-chronicisé avec notre corps. Mais quand un corps connaît le burn-out, ça veut dire que ces pauvres tentatives de temporalité qui se construit à partir de lui-même et des bribes et des fibres de son histoire, etc., ont été explosées par une exploitation de son temps abusif, c'est-à-dire qui va au-delà de ce qu'il peut intégrer. C'est une explosion de sa temporalité. C'est-à-dire que réellement, il est défait. Or, on a besoin, pour vivre son histoire, pour se construire, on ne cesse de se reconstruire chaque jour, on a besoin du temps possible, et ces gens-là ont dû connaître du temps impossible. Alain Cohn, dans son livre, Daniel Siboni, dit « Toute grande œuvre d'art est faite avec du temps perdu ». Est-ce que vous diriez la même chose d'une grande œuvre scientifique comme celle que vous avez accomplie? Est-ce qu'il y a besoin de temps perdu? Je préfère revenir avant de répondre à cette question. On n'a plus beaucoup de temps, je vous le dis. Enfin, d'accord. Je ne devrais pas le dire, mais sur le burn-out, simplement, quand je disais tout à l'heure que le temps pouvait passer en sens inverse durant la nuit, le burn-out, pour moi, ce serait le fait qu'on a pris tellement de retard par rapport à l'équilibre, c'est-à-dire l'intégrale zéro, que finalement, tout explose. C'est irrattrapable. Voilà. C'est irrattrapable. Alors, pour en revenir à votre question, je suis un peu. Donc, vous disiez que. Quand vous faites de la recherche. Le temps perdu. Oui, est-ce que vous avez besoin de perdre du temps, de laisser les choses advenir? Bien entendu. Bien entendu. Et il y a une calamité que j'avais bien dénoncée, c'est que dans le temps, il est arrivé que l'Institut de Princeton soit visité par. À l'improviste, par le président des États-Unis. Et je crois que c'était Oppenheimer qui était directeur à ce moment-là. Il lui avait fait visiter les bureaux des mathématiciens. Et dans l'un des premiers bureaux dans lequel ils ont pénétré, ils ont trouvé le mathématicien allongé sur sa table en train de dormir. Alors, si vous voulez, c'est quelque chose qui met en évidence le fait qu'un mathématicien, pour faire de la recherche, doit à tout prix échapper à être devant son ordinateur, à faire des tâches qui sont de répondre à des mails, etc. Il doit retrouver du temps. Et dans le livre que nous avons écrit avec Dany Chéreau et Jacques Dixmier sur le spectre d'Atacama, toute la première partie du livre, c'est le héros qui retrouve du temps en allant dans le fin fond de l'Amérique du Sud, dans une île. Et en échappant, il n'a plus d'ordinateur, il n'a plus de mail, etc. Et il retrouve son temps, il retrouve le temps de la recherche. Merci Alain Cohn, merci Daniel Siboni, ça sera le mot de la fin. Il faudrait beaucoup plus de temps pour épuiser la question du temps, évidemment. J'ai une petite anagramme à vous livrer. Le temps est une illusion. Ça donne quoi en anagramme? Eh bien ça donne où se pillent les minutes. Le temps est une illusion, où se pillent les minutes. Anagramme qui a été trouvé par Olivier Garcia. Je recommande la lecture du livre de Daniel Siboni, À la recherche de l'autre temps, paru chez Audi Jacob et préfacé par Alain Cohn. C'était La Conversation par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Clara Galivelle et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, enfin juste après maintenant, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte. France Culture. L'esprit d'ouverture.